jour de manif, on est mardi. Il est presque 20h20. Alors nous sommes le mardi 28 mars 2023. Il est 20h27. Quel temps faisait-il aujourd'hui ? Il faisait un temps assez gazé dans certaines avenues de Nantes. Mardi ? On sent les prémices du printemps. Ça fait beau. Un peu timide quand même. 20h30 bientôt. Quel temps faisait-il aujourd'hui ? Je crois qu'il faisait plutôt nuageux, beau. Oui, dégagé. Vous avez passé une bonne journée ? Oui. Oui, oui. Mes journées sont douces et agréables. Quel temps faisait-il aujourd'hui ? Vous avez passé une bonne journée ? Alors aujourd'hui, il faisait froid ce matin et beau cet après-midi. Gardez un petit vent quand même. C'était compliqué de venir ici parce qu'il n'y a pas de tramway, donc qu'on a pris des quads. Quelle chose vous a marqué aujourd'hui ? La manifestation. La manifestation. Quelle est la chose qui vous a marqué aujourd'hui, par exemple ? J'ai regardé un quiz sur YouTube et ça m'a beaucoup plu. Un quiz sur l'équipe de France. Ah si, on va manger des saucisses et des pommes de terre vapeur tout à l'heure. On n'a pas eu le temps parce que, comme les spectacles sont vachement trop tôt, on n'a même pas le temps de dîner. Les sièges sont beaucoup plus confortables. Avant, quelquefois, quand les spectacles étaient un peu longs, on terminait avec un... C'est pas le cirque, hein, mais maintenant, c'est confort. Hein. On peut tenir, je pense, la tétralogie de Wagner fonctionnerait. S'il y avait une fosse d'orchestre, on tiendrait le coup. Vous pouvez me donner un prénom, le vôtre, ou un prénom qui vous passe par la tête. Vous êtes Quentin. Pas on m'appelle Titi. JF. Mathias. Gwenoula. Je me sens. Maël. Titine. Greg. Younes. Younes, c'est bien. Comme prénom. Nos cœurs en terre. Ma spécialité quand je viens à l'ONIC, c'est de ne jamais savoir ce que je viens voir. Et c'est lorsque j'ai le cul dans le fauteuil que je découvre ce que je vais voir. Je suis très excité d'être là en fait, parce que j'ai vu, comment ça s'appelle, Transfiguration de Olivier de Sagazan il y a quelques années. Et vraiment, on a de la chance. Alors, j'ai déjà vu un petit peu, je sais qu'il travaille avec de l'argile. Alors, il y a un deuxième artiste là. J'ai déjà vu les deux pièces précédentes programmées par Onyx de David Wall, donc ça oui. Et j'avais particulièrement apprécié la dernière, l'autre je m'en souviens pas trop. Ça va être génial. J'ai un petit peu peur. Je suis excité. Je sais que c'est quelque chose qui prend les tripes. Et du coup, ouais, là, je me dis, dans quoi je m'embarque ? Je suis très content d'être là, ouais. Nos cœurs en terre. Au XVIIe siècle, le médecin Pierre Borel, médecin ordinaire du roi à Tours, c'est ça ? Ah ben je recommence alors. Au XVIIe siècle, le médecin Pierre Borel, médecin ordinaire du roi Louis XIV, assure détenir dans son cabinet de curiosité la preuve irréfutable de la sexualité des pierres. Ce débat virulent au grand siècle est complètement oublié aujourd'hui oppose deux camps, ceux qui croient que la Terre est inerte et ceux qui la pensent comme un gigantesque organisme vivant. Il y a deux hommes qui avancent sur scène. Ils portent des tenues style cocktail décontracté. Pantalon noir, veste noire, chemise blanche, pas de cravate. L'un des deux déroule un tapis. Comme un tapis de yoga, place une chaise Au milieu du télé, un coussin accroché sur le dossier. On se dit, celui qui s'assiera ici y restera longtemps. L'un demande à l'autre. Tu connais, Castres. La ville de Castres. Ah, tu connais. Castres, c'est tout petit et ça se trouve dans le département du Tarn. L'appel de la terre, je dirais. Franchement, c'était... Mystique. J'aime bien le mot mystique. Inattendu, je pense. C'était époustouflant. J'en ai pris plein la vue, c'était trop beau. Surpris, hyper surpris. Waouh. Je sais pas si je pourrais raconter. Eh ben, assez ébloui, je dois dire. C'est très impressionnant. Et puis je crois que c'est un des rares spectacles où j'avais envie d'être sur scène, en fait. Quand on voit ce qui se passe sur scène, ça m'a donné envie d'y être pour participer à cette espèce de folie autour de la matière. Là, on a envie de mettre la main dedans, quoi, pour être encore plus avec eux. Ces deux personnages dont l'un se transforme dans une motte de terre qui vont se rencontrer, se toucher, échanger ensemble pour créer peut-être un troisième personnage. Je dirais ça. Au début, je pensais qu'il essayait de fabriquer un dieu. Je la trouvais très divine et très mystique. Mais c'était visuellement très émouvant. Bah, l'image totémique, quoi. Quelque chose de très organique. Et ouais, même si j'ai pas tout compris, je suis quand même resté accroché du début à la fin. À un moment donné, j'ai complètement arrêté de réfléchir, en fait. J'étais vraiment complètement dedans. Alors qu'au début, c'était juste deux mecs en costard, pieds nus. Puis à la fin, c'était, ouais, j'avais l'impression de voir un fou et un dieu en communion un peu. C'était vraiment mystique, ouais. Voilà, mystique. J'aime bien le mot mystique. Des humains qui se transforment en statues, quoi, en statues végétales. Il et qui devient vivant parce que parce qu'on a envie qu'il devienne vivant en fait quoi. Matière minérale, matière séminale. La frontière sera... Ouais, c'est très. C'est un peu à chaud, du coup je préfère pas. Je préfère laisser infuser en moi et. Bah en fait c'est. Ouais, j'arrive pas, j'ai pas de mots encore pour ça. J'aime beaucoup le bruit de la glaise. Je trouvais là dans les mains comme ça, ça palpite. Du bien de voir du théâtre comme ça, avec simplement des choses naturelles, alors que les autres spectacles qu'on a vus, c'était avec plein d'écrans, ou en tout cas plus moderne. Et là, ça fait vraiment naturel, quoi. Même s'il n'y a pas de costume, en fait, la nature joue le rôle du costume, et c'est encore plus beau qu'un costume qu'on aurait pu voir... autrement. Et ouais, j'aurais aimé être la photographe de ce spectacle, franchement c'était incroyable. C'est mes mots. En vrai j'aurais pu juste dire que c'était beau parce qu'il n'y a pas mieux pour résumer. C'est trop beau. Je trouve que c'est un peu décontenançant quand même comme spectacle. L'espèce de plaisanterie au début sur la sexualité des pierres et... finit par y croire presque quoi, enfin je sais pas, on y croit au fait scientifique et à ce qu'il avance et c'est juste beau aussi quoi, c'est juste beau, ouais, moi j'ai trouvé ça très beau. Il y a un geste assez enfantin, même lui dans son rapport à la matière, il est totalement excité par le faire quoi, et c'est un endroit, une sensation qu'on peut facilement sentir à l'endroit de l'enfance. C'est très pâte à modelesque, quoi. Il y a un petit décorum qui est un peu, on va dire, plus anecdotique, mais qui permet de rentrer aussi dans le propos du narrateur, en quelque sorte, quoi. J'avais peur que ça soit un peu perché pour moi, et je repars avec un sentiment de me dire que... on peut réussir à raconter un spectacle drôle et assez poétique en parlant de la sexualité des pierres, quoi. Ouais, je repars avec ça. Je pense que c'était pas mal. Il y avait vraiment une idée de fond qui était intéressante, mais il y avait beaucoup d'abstrait et beaucoup d'imaginaire à se faire. Et dommage, le texte était à mon sens plutôt bon et il aurait peut-être dû faire un peu plus encore de texte pour qu'on puisse avoir les clés de lecture pour comprendre peut-être mieux la pièce. Je pense que j'ai été plus hypnotisé par le côté gestuel que par la voix qui est un peu monotone et qui est censée nous amener dans des temps immémoriaux, quoi. Pas passé un très bon moment, on va dire. C'est pas trop ce que j'ai l'habitude de voir. J'ai décroché en fait. J'avais pas les clés de lecture pour comprendre et c'est pas très fluide en fait dans l'enchaînement des idées. Une mise en scène un peu trop poussée. Il joue avec de la terre pendant 1h30, mais à part ça, j'ai pas tiré beaucoup de messages de cette pièce. Pour être totalement honnête, je pense que c'est pas quelque chose qui me touche, mais je crois que c'est pas mon truc. Ce désir. J'aimerais vraiment partager ce spectacle avec le plus de personnes possible. Là, on est impressionnés et emportés aussi. Et on croit maintenant vraiment qu'on va retrouver nos ancêtres dans les pierres, ça c'est sûr. Moi, je repars en pensant aux gens qui vont devoir faire le ménage de cette salle. Bon courage à eux. Younes. Mathilde et David. Marie-Laure. C'est un spectacle très fort, très puissant, et que je pense que je vais ramener chez moi et qui va me suivre pendant très longtemps, ce qui est très rare. Ouais, apaisé, je sais pas. Ouais. Merci à eux, en tout cas. Ouais, merci beaucoup. De rien. C'était Les Collectors, le 28 mars 2023, au théâtre Onyx de Saint-Herblain, avant et après Nos cœurs en terre de David Wall et Olivier de Sagazan. Merci aux spectateurs et spectatrices pour leurs paroles, collectées par Jacqueline, Olivia, Séverine, Jean-Noël, mise en son, Anne-Lyne Drocourt. Nous sommes le 4 avril 2023. Il est midi 27. Il fait beau.